Comme une lueur dans la nuit, elle est sortie de l'ombre. Quand je l'ai vue, j'ai tout compris en quelques secondes. Que j'allais perdre la tête, que j'allais perdre mon temps à chanter sous sa fenêtre, au pire, pleurer comme un enfant. Plus la soirée passée, plus le sang est fort. Elle demande qui je suis, si souvent je sors. J'ai senti comme un malaise, comme un désaccord. Alors je chante reggaeton. Tout le monde regarde, alors j'en fais des tonnes. Pour elle, je chanterai même le reggaeton. Dans ma tête, j'entends ces mots qui résonnent. M'encanta, reggaeton, canta. Reggaeton, m'encanta. Reggaeton, canta. Reggaeton. Je sais bien que tous les autres la regardent. Elle ferait même tourner la tête de Steve. Je les ai vus marcher à contre-sens et grave. Certains font la gueule pour lui parler, c'est une blague. Et puis la soirée passée, puis le sang est fort. Elle demande qui je suis, si souvent je sors. Je sentis comme un malaise, comme un désaccord. Alors elle demande si je chante reggaeton. Tout le monde regarde, alors j'en fais des tonnes. Alors j'en fais des tonnes. Pour elle, je chanterai même le reggaeton. Dans ma tête, j'entends ces mots.